Bosco Nduiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La confiscation de 6 motos utilisées dans la campagne électorale à Gitega ce dimanche par la coalition Burundi Bugabo s'est fait polémique. Vous l'entendrez, la représentation des motards de cette province nie toutes les allégations portées contre elle. Moins d'1% de Burundais souscrivent à une assurance épargne selon les statistiques de l'Agence de régulation et de contrôle des assurances. Vous le suivrez. Les caféiculteurs de la commune Matongo en province Kayanza alertent sur l'imminence d'un mauvais rendement à cause du manque d'engrais chimiques de type NPK. Nous appellerons notre correspondant pour les détails. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Des motos utilisées dans la campagne électorale à Gitega ce dimanche par la coalition Burundi Bugabo se font polémique. En effet, le président de cette coalition de partis politiques accuse le représentant des motards de la nouvelle province de Gitega d'avoir fait confisquer ses engins à la police alors qu'il était au courant de cette activité, ce que nie catégoriquement ce dernier, Gérard Nibigira. Le représentant de la coalition Burundi Bugabo en province Gitega élargie, Daniel Manirakiza, indique que lors du meeting de cette coalition de ce dimanche, les jeunes militants de cette coalition qui exercent l'activité de transporter moyennant paiement les gens à moto et à vélo se sont joués aux autres militants de la coalition dans cette activité. Il ajoute que le lendemain, les membres du comité mixte de sécurité au sein de l'association des motards de Gitega ont identifié tous les motards qui ont participé à ce meeting pour saisir leurs motos afin de les acheminer au camp de police de Gitega. Il précise que jusqu'à présent, 6 motos sont déjà au camp de la police à Gitega et le motif de cette saisie, c'est le fait d'avoir participé au meeting de la coalition Burundi Bugabo et d'en être membre, a-t-il insisté. Ainsi donc, il demande à l'administration de sensibiliser les jeunes de toutes les formations politiques et coalitions, inclus ceux du parti au pouvoir, sur la cohabitation au Pacifique sans considération des tendances politiques et sur le libre choix de tout citoyen en matière d'adhésion à un parti politique ou à une coalition politique. À la police, il demande de remettre les motos à leurs propriétaires afin qu'ils continuent à travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Toutefois, le président de l'association des motards de Gitega, Sylvestre Manirambona, nie catégoriquement toutes les accusations comme quoi les membres du comité mixte de sécurité au sein de son association ont saisi les motos des militants de la coalition Burundi Bugabo. Il explique plutôt que ces motos seraient saisies par la police pour des fautes techniques et leurs propriétaires ont avancé de faux arguments pour tenter d'échapper aux sanctions. Il avoue cependant que les membres du comité mixte de sécurité de son association ont appréhendé un voleur renommé de motos avec une moto qu'il venait de voler. Depuis Gitega, Gianni Bigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. L'insuffisance de moyens financiers est parmi les causes qui poussent les athlètes burundais à ne pas aller plus loin dans les compétitions internationales. Ceci est dit par le vice-doyen de l'Institut d'éducation physique et des sports IEPS dans un point de presse ce mardi. Un point de presse organisé dans le but de préparer un colloque international sur le sport et le développement prévu du 19 au 20 juin prochain. Et c'est pour mieux se préparer aux Jeux Olympiques de Los Angeles aux États-Unis en 2028. Célestin Vutsewanga appelle le gouvernement à mettre en application la loi sur le sponsoring pour développer le sport dans le pays. On l'écoute. C'est une occasion, je crois, pour les institutions publiques qui seront là et nous-mêmes, les acteurs du mouvement sportif burundais, de saisir effectivement ces opportunités, de voir comment ailleurs ou même ailleurs, les sources de financement en matière d'e-sport se cherchent ou comment il faut multiplier ces ressources sans toutefois compter seulement les subventions du gouvernement ou de quelques bailleurs, quoi. Mais il faut aussi utiliser effectivement le sport pour générer encore des ressources financières. Pour le moment, il y a un défi effectivement de la mise en œuvre de la loi sur le sport et surtout en son article sur le sponsoring. au niveau du sport. Et c'est vraiment un défi que la mise en œuvre de cet article retarde effectivement à relancer effectivement le sport, puisque on constate qu'il y a les ordonnances ministérielles qui manquent pour la mise en œuvre effectivement sur la loi sur le sponsoring. Et cela handicape effectivement les sponsors ou les partenaires qui veulent investir dans le sport. Lorsque la loi n'est pas claire ou lorsqu'il y a que des éléments qui manquent dans la loi, c'est-à-dire que voilà, cela handicape effectivement tous ceux qui veulent s'impliquer en matière de financement du sport. Donc, je crois que ce colloque va essayer effectivement de rappeler effectivement les institutions publiques, notamment le ministère qui sera là, que cette loi handicape effectivement le développement du sport d'une manière ou d'une autre. C'était Célestin Vutsewanga, vice-doyen de l'Institut d'éducation physique et des sports, IEPS. Du sport, on passe à l'assurance. Le Burundi enregistre un taux de pénétration de l'assurance épargne de 0,20% uniquement selon les statistiques de l'Agence de régulation et contrôle des assurances. Et c'est un très faible taux d'après Larissa Niyomwongere, chargée des statistiques. D'où l'ARCA envisage beaucoup de séances de sensibilisation de la population pour plus d'adhésion en vue de préparer une meilleure retraite des Burundais. Propos tenus au cours des séances qui ont montré que pas mal de fonctionnaires du service public et privé ignorent encore les avantages de cette assurance épargne. Apollinaire Muzagara. Comme l'annonce Larissa Niyomwongere de l'Agence de régulation et contrôle des assurances, les Burundais adhèrent à l'assurance en général lorsqu'ils sont sensibilisés. Elle donne l'exemple du nombre de contrats qui ont évolué de 32 244 en 2021 à 54 236 contrats en assurance épargne en 2023. Un taux de pénétration toujours faible selon son responsable de la série de statistiques au sein de l'ARCA, qui parle donc de 0,20% comme taux de pénétration assurance épargne et 0,33% d'assurance. Ce qui a posé cette agence, selon Larissa Niyomwongere, a débuté une campagne de sensibilisation de toute la population en vue de savoir les mobiles de cette non-adhésion massive, alors que les avantages de l'assurance épargne et vie sont énormes. Il s'agit entre autres, selon son responsable, d'éviter une retraite difficile et pénible pour les personnes en âge avancé. D'après cette statisticienne, bon nombre de fonctionnaires du secteur privé et public se contentent uniquement de la faible cotisation de leurs employeurs, mais ne pensent pas à épargner sur leur salaire, maigre soit-il, d'où une vie pénible en âge de la retraite. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les caféiculteurs regroupés au sein de la coopérative Yagikawa, se trouvant en commune Matongo de la province Kayanza, s'inquiètent de la baisse imminente du rendement de cette culture industrielle parce qu'ils n'ont pas eu d'engrais chimiques de type NPK. Félicien Leyivitanga, superviseur au sein de l'ODK en province Kayanza, les tranquillise en les rassurant que la question préoccupe le gouvernement burundais. Sans plus de détails, Patrick Sengiyumva. Des caféiculteurs regroupés au sein de la coopérative Yagikawa à Matongo avec lesquels nous nous sommes entretenus ont fait savoir que cette année ils n'ont pas eu des engrais pour la fertilisation de leurs plantations caféicoles. Certains disent qu'ils ont bénéficié de ces engrais et qu'après quelques jours on leur a dit de les remettre parce qu'ils étaient périmés. Ils grognent que depuis lors on ne leur a pas donné d'autres engrais chimiques en remplacement avec ceux qui étaient périmés. Consécutivement à cette situation déplore les caféiculteurs de Matongo, les grains de café n'atteignent pas bien la maturité et le rendement du café baisse par la suite. D'autres caféiculteurs regroupés au sein de la coopérative Yagikawa disent que même les pesticides pour les caféiers n'ont pas été disponibles en quantité suffisante cette année. Ils demandent au gouvernement burundais de rendre disponibles à temps les engrais chimiques et les pesticides pour les prochaines saisons caféicoles. Félicien Nibitanga, superviseur au sein de l'Office du développement du café en province Kayanza, tranquille disent ces caféiculteurs que dans le but de redynamiser la culture du café, le gouvernement promet trouver solution à ces problèmes des engrais et des pesticides utilisés dans les plantations caféicoles. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Politique à présent. Instaurer le dialogue inclusif en vue de faire entrer tous les réfugiés, renforcer la démocratie et lutter contre le chômage en embauchant les jeunes lauréats des universités dans les secteurs publics. Voilà quelques axes du projet de société que la coalition Burundi Bwabo se mettra en avant une fois élue lors des législatives à venir, comme l'a indiqué le secrétaire général de cette coalition. Kefani Wizi ajoute que leur formation politique mettra fin au détournement des devises et s'attellera à recouvrer tout l'argent volé des caisses de l'État. On l'écoute. Nous allons renforcer la démocratie basée sur une réelle multipartisme. Cela veut dire que nous allons rétablir tous les partis politiques qui ont été déchiquetés. Nous allons restaurer le leadership qui a été banni injustement. Nous allons également organiser le dialogue inclusif pour que tous les réfugiés puissent rentrer sans embâge et sans terrorisme. Nous comptons également renforcer dans ce domaine politique la cohabitation pacifique en renforçant et en améliorant la CVR pour que la vérité soit connue et pour toutes les périodes qui ont passé. Dans le domaine économique, nous allons redonner la valeur à la monnaie burundaise. Et la monnaie burundaise a perdu sa valeur et on a pris des devises en quantité suffisante qui sont utilisées pour l'importation. Et cela est dû d'abord du fait qu'il y a le détournement de ces devises. Il y a aussi les aides étrangères qui ont été suspendues. Et il y a également la production qui a baissé. Donc, nous pensons qu'il faut d'abord stopper le vol des devises qui est devenu endémique. Et nous allons même retourner dans les caisses de l'État les devises qui ont été volées, stockées dans les maisons importées à l'étranger. Nous allons encore restaurer la coopération bilatérale et multilatérale pour que les aides étrangères puissent revenir. Mais aussi, nous allons par après augmenter la production des biens exportables pour avoir les devises en quantité suffisante. De cette façon, on va avoir tous ces denrées de première nécessité, de l'eau-carburant et autres. Mais aussi, nous espérons que les prix de ces denrées vont baisser au moins jusqu'à 40%. Nous pensons également renforcer le secteur de l'agriculture en accordant les intrants, y compris les engrais chimiques qui manquent aujourd'hui. Nous allons aussi favoriser les investisseurs étrangers et locaux en leur donnant un climat favorable, notamment en empêchant la corruption qui gangrène ce secteur. Dans le domaine social, nous comptons renforcer le secteur de la santé où aujourd'hui les patients ne bénéficient plus des médicaments en quantité suffisante. On va donc prescrire les médicaments qu'on va leur donner presque gratuitement pour ceux qui détiennent la carte d'assurance maladie. Nous comptons également renforcer le secteur de l'éducation pour qu'il soit maintenant de qualité. Nous pensons également à ce que dans ce secteur, on va lutter contre le chômage en embauchant déjà dans le secteur public parce qu'il y a beaucoup de places vacantes, mais aussi en invitant beaucoup d'investisseurs susceptibles de donner de l'emploi aux jeunes chômeurs. Kefa Niwizi, secrétaire général de la coalition Burundi Bwabo, c'est de son côté, une fois élu député, l'indépendant Thomas Nzeimana, connu sous le nom d'artiste de Mkombozi, promet de réduire le chômage par l'amélioration du système éducatif, le recrutement qui ne tient pas compte de l'ethnie. Il affirme avoir voulu siéger à l'Assemblée nationale, qu'il considère comme un cadre approprié pour plaider la cause de la population, comme il le fait dans ses chansons. Nabonye yuko nta mugambi n'umwe w'iterambere twoshika ko mu gihe umwe bw'abarundi utaratsimbatara neza. J'ai réalisé qu'il n'y a pas de projet possible tant que l'unité nationale n'est pas encore renforcée. Nous avons la constitution qui dit 40% pour les Tutsis et 60% pour les Hutus. Si nous avons encore cette mentalité de considérer la forme du nez des uns et des autres dans le recrutement, comment pouvons-nous espérer un développement? Mais pour qu'il y ait du progrès, je proposerai qu'au lieu de considérer les ethnies, que ces quotas soient appliqués à l'âge. Ainsi, 40% des emplois seraient réservés aux personnes âgées et 60% aux jeunes. La personne âgée a de l'expérience et peut servir de modèle aux jeunes. Comme ça, nous aurons un développement durable. Je plaiderai aussi pour l'allongement des heures de travail pour les motards, les tricycles et les taxis-vélos, qu'ils travaillent 24 heures sur 24. Comme ça, l'un pourra travailler la journée et l'autre la nuit. Il ne faut pas limiter ces jeunes alors que ce sont eux qui ont encore de la force. Sinon, vous aurez beaucoup d'enfants au lieu des résultats économiques et qu'ils conduisent jusqu'au centre-ville. Si c'est la question des embouteillages qui fait qu'on les empêche d'arriver au centre-ville, construisons des grandes routes. Autre chose, un jour j'ai visité une certaine compagnie et j'ai demandé un prêt des motos et des tricycles et ils m'ont demandé si j'étais un député ou un chef de colline. Je leur ai répondu que j'étais un artiste. Ils m'ont dit que ce sont des affaires qui dépassent ma compétence et que ce n'est pas possible que je demande. Sur ce, je demande qu'ils m'accordent leur voix Ainsi, je pourrais siéger à l'hémicycle où je pourrais plaider leur cause. Autre chose, pour réduire le taux de chômage, il faudra revoir le système éducatif et apprendre à nos jeunes à s'autodévelopper. Nous avons des jeunes qui jouent toujours au chat et à la souris avec la police, qui devraient s'occuper plutôt des voleurs et des paresseux. Pour que le pays progresse, il faudra aussi que les petits commerçants ambulants soient protégés. Et comment? En les exonérant de l'impôt pendant au moins 3 mois. C'était l'indépendant Thomas Nzeimana, connu sous le nom d'artiste de Mkombozi. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. En cette période de campagne électorale, nous revenons sur différents interdits contenus dans le code électoral en vigueur au Burundi. Il s'agit entre autres des pratiques publicitaires de caractère commercial, les dons en argent ou en nature pour influencer le vote, les propos injurieux et diffamatoires envers les concurrents. On fait le point avec Jean de Dieu Irakodze. L'article 30 de la loi organique de 2024 portant code électoral stipule que la propagande électorale est libre sous réserve du respect de l'ordre public et de l'observation des prescriptions légales sur les réunions publiques. Il précise en outre que toute réunion électorale est soumise à l'obligation d'une déclaration préalable auprès de l'administrateur communal au moins 24 heures à l'avance et qu'au cas où plusieurs partis politiques, coalitions de partis politiques ou candidats indépendants solliciteraient et même lieu de réunion, l'administrateur communal retient la demande du premier déclarant. L'article 32, quant à lui, souligne qu'il est interdit de procéder lors des campagnes électorales à des déclarations injurieuses ou diffamatoires par quelque voie que ce soit à l'endroit des partis politiques, de coalitions de partis politiques, d'un ou de plusieurs candidats ou de listes de candidats. L'article 33 de ce code parle des pratiques publicitaires interdites, à savoir celles de caractère commercial, les dons et libéralités en argent ou en nature, à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer le vote durant la campagne électorale. De même, il précise que l'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale publique, institution ou organisme public aux mêmes fins est interdite. L'article 34 indique qu'il est interdit de distribuer pendant les heures de service sur les lieux du travail public et privé tout document ou tout autre support de propagande électorale. Il ajoute en outre que toute distribution de ce document est également interdite dans les enceintes des établissements scolaires et universitaires publics et privés. Le jour du scrutin, il est interdit de porter ou d'arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats, comme le stipule l'article 35 de cette loi organique portant code électoral au Burundi. Jean de Dieu Irakodze. Des consommateurs de bière produite par la Brarudi devenus rares ces derniers temps, commune Mabanda de la province de Makamba, se sont résolus de se rabattre sur d'autres types de boissons. Malheureusement, ces dernières sont tellement alcoolisées qu'elles sont susceptibles de nuire à leur santé et à la quiétude de ménage. Le chef de zone Mabanda promet d'organiser des séances de sensibilisation de la population pour un changement de comportement. Élise Kwizera. Certains des habitants de la commune Mabanda, dans la province de Makamba, disent qu'ils ne trouvent pas les boissons de la Brarudi comme ils en ont besoin. Et une fois disponibles, elles se vendent à partir de 4000 francs et plus, selon qu'il s'agit de la bière ou l'Amster. Certains de ces habitants rencontrés dans la localité appelée Bouchouche, au chef-lieu de la commune Mabanda, trouvent ce prix élevé en considération de leurs moyens financiers. Ainsi, ils préfèrent consommer n'importe quelle boisson à 1000 francs et plus chez les détaillants de petites quantités de ces boissons, dont une bouteille peut coûter au moins 10 000 francs. les habitants, y compris les consommateurs, affirment que les personnes ayant consommé ces boissons deviennent totalement faibles et ne parviennent pas à remplir leurs obligations familiales. Par contre, elles adoptent un comportement irresponsable, ce qui finit par provoquer des querelles entre conjoints. Ces mêmes habitants doutent que ces boissons seraient aussi nuisibles à la santé de leurs consommateurs. Il demande que les boissons de la Brarudi soient disponibles et au prix abordable. Patrice Ndimugwango, le chef de la zone Mabanda, dit qu'il va bientôt collaborer avec les administratifs à la base afin de faire des sensibilisations auprès de la population pour que celle-ci maîtrise la consommation de ces boissons pour l'intérêt de leur famille et leur santé. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Et pour boucler définitivement ce journal en international, les 27 pays de l'Union européenne ont approuvé ce mardi la création d'un programme d'achat commun en matière de défense de 150 milliards d'euros. La mesure, censée notamment répondre à la menace constituée par la Russie, a été soutenue par 26 des 27 pays membres. La Hongrie s'est tant abstenue. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.